Vous avez beaucoup de disques? Oui, j'en ai beaucoup. Vous recevez plusieurs lettres par jour? Oui, j'en reçois plusieurs. Vous faites un peu de sport? Oui, j'en fais un peu. Vous buvez beaucoup d'eau? Oui, j'en bois beaucoup. Vous avez assez d'exercices? Oui, j'en ai assez.